C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centraure, www.centraure.qc.ca, Québec Pop, www.québecpop.com ou encore sur ma page Facebook de Canrock, C-A-N, Trédition, R-O-C-K. Cette semaine, Wise Atangana, rime et motivation. Finaliste de Rond-Point 5 en 2018, Wise Atangana nous livre son premier album, Rime et motivation. Un album concept avec toile de fond, l'importance du bien de soi. Rime et motivation est un univers afrobeat pop qui de pièce en pièce nous fait danser sur des rythmes du monde. De plus en plus, nous sommes captivés par l'énergie tribale partagée. Un message universel est véhiculé tout au long de ce disque. Rime et motivation est une invitation à se dépasser, travailler pour soi, se donner les clés de la réussite personnelle. Je vous donne bien entendu une adresse pour découvrir cet album-là. Vous pouvez tout simplement aller sur apcm.ca ou encore wiseatangana.bandcamp.com, wiseatangana.bandcamp.com, wiseatangana.com pour vous procurer une copie de cet album-là qui vous ferait danser, ça c'est sûr. Eh bien, allons-y tout de suite avec une première pièce, première chanson de l'album. Ça s'appelle tout simplement « Reste motivé ». Voici l'auteur, compositeur, interprète d'Ottawa, native du Congo, si je ne me trompe pas, Wise Atangana, qui nous propose son album « Rime et motivation » à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Mon grand-père, t'es un sage, il avait tellement d'histoires, il aimait me dire. Mon grand-père m'a dit, reste motivé, tu veux le secret, reste motivé, si tu veux te démarquer, reste motivé, toujours concentré. Mon grand-père m'a dit, reste motivé, fais tout ce qu'il y a ton pouvoir, reste motivé, le savoir, seul pouvoir, reste motivé, toujours concentré. Un soir au village au coin du feu, grand-père est tout heureux, mon petit-fils, et il me dit, viens que je te livre les secrets de la vie. Si la porte est fermée, n'hésite pas de passer par la fenêtre, tu es la solution à tous tes problèmes. Ouvre grand les yeux dans ton périmètre. Tous ici-bas veulent le succès, mais très peu sont prêts pour payer le prix en vrai. Mon petit-fils, il me rappelle, apprends à poser les bonnes questions. Utilise franchement ton imagination. Prends contrôle des idées qui sillonnent dans ta tête. Ne te laisse pas endormir par les paroles d'un prophète. Tu as le pouvoir de changer ton lendemain. Mon petit-fils, prends ton destin en main. Mon grand-père m'a dit, reste motivé, tu veux le secret, reste motivé, tu veux te démarquer, reste motivé. Mon grand-père m'a dit, reste motivé, fais tout ce qu'il y a ton pouvoir, reste motivé, le savoir c'est le pouvoir, reste motivé, toujours concentré. Grand-père, quand on se retrouve au coin du feu, le grand-père avec tellement de bonnes histoires et sa calabasse de vin de pain. Notre soir, il me dit, mon petit-fils, relever ses défis, c'est pouvoir payer le prix du sacrifice. Un seul morceau de bois donne la fumée, pas du feu. L'union fait la force, trouve-toi un vrai partenaire, tu seras heureux. N'oublie pas, les vendeurs d'illusions contrôlent les nations. C'est pourquoi j'insiste, pose les bonnes questions et cale tes idées sur du bout des papiers pour mieux les contrôler. Le poisson vit dans l'eau, mais il a toujours soif. Fais tous jour pour lire au moins un paragraphe. La force du bas au bas est dans ses racines. La vie c'est la conquête, si t'es pas fort on te piétine. Mon grand-père, il avait tellement de métaphores dans ses proverbes. Mon grand-père m'a dit, reste motivé, tu veux le secret, reste motivé, tu veux te démarquer, reste motivé, toujours concentré. Mon grand-père m'a dit, reste motivé, fais tout ce qu'il y a ton pouvoir, Reste motivé, le savoir c'est le pouvoir. Reste motivé, toujours concentré. Ouais, c'est pourquoi moi, ouais, Atangana, je délivre aussi cet album. Quelques chansons qui m'ont interpellé sur ce disque, eh bien, il y a Reste motivé qu'on vient d'entendre. Il y a aussi Fais ton choix, qui est une variation un peu sur le même thème. La musique est la même, mais les deux différents textes nous amènent au même but, le but du choix de pour soi, être maître de son destin. La prochaine pièce qu'on va entendre dans quelques instants, Le temps est une mine d'or, une autre belle philosophie. Pour contrôler son destin. Il y a aussi celle qu'on va entendre en fin de commentaire, Liberté économique, qui est également un beau message universel sur une belle trame afrobeat captivante. Donc, c'est un peu les thèmes qu'on a sur cet album-là, de la bonne musique afrobeat et des thèmes positifs pour s'encourager et penser à soi. Encore une fois, allez faire un tour sur wiseatangana.bandcamp.com pour vous procurer ce disque. Voici « Le temps est une mine d'or ». Ghislain Larouche et l'exclusif mix. Le temps est une mine d'or. Alors mon ami, fais en bon usage. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Plus tu l'explores, autant tu bénéficies de ses trésors. Plus tu l'explores, autant tu bénéficies de ses trésors. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Plus tu l'explores, autant tu bénéficies de ses trésors. Wise Atangana. La violence du vent n'enlève pas les tâches d'un léopard qui fait un long voyage, prépare son sac avant le départ. L'argent, c'est la valeur que tu produis dans chaque heure. Le bonheur appartient à ceux qui s'élèvent, le bonheur et tiennent les objectifs à cœur. Ceux qui mettent en place un plan et le suivent quotidiennement. Ceux qui gardent le contrôle sur l'avenir et le quotidien obtiennent des outils nécessaires pour se frayer un chemin. À force de persévérer, la vision finit par s'éclairer. Avant de te lancer, analyse la base des données. Le secret de la loi d'attraction, mets l'imagination en action pour jouir de ta passion. En vérité, le secret de ton succès se trouve dans la gestion des 24 heures de la journée. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Plus tu l'explores, autant tu bénéficies de ses trésors. Plus tu l'explores, autant tu bénéficies de ses trésors. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Plus tu l'explores, autant tu bénéficies de ses trésors. Plus tu l'explores, autant tu bénéficies de ses trésors. Et comme la profondeur de l'océan, entre en croix profondément pour devenir un géant. Entre la poule et l'œuf qui vient en premier. Entreprendre mon destin mais prier en longueur de journée. J'ai beaucoup médité. Le mystère c'est ce que tu ne comprends pas, mais tout est explicable, crois-moi. La réflexion suivie par l'action, les premiers marchent vers le succès. Fais tout ce qui est possible maintenant, pas besoin d'être parfait. Ne te laisse pas embarquer par les mythes vendus par la majorité. Tout se passe maintenant, gère ton temps valablement. Si tu l'ignores, je te le dis encore. Ton temps est une mine d'or, plus tu l'explores. Autant, autant, autant, tu bénéficies de ses trésors. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps est une mine d'or. Plus tu l'explores, plus tu bénéficies de ses trésors. Rime et motivation de Wise Atangana est un petit album afrobeat pop fort charmant avec un message universel tout au long du disque. Un message de motivation, fierté de soi et plein contrôle de son destin. Sans être nécessairement moralisateur, le propos nous est offert avec respect et positivisme. Prenez connaissance de ce beau produit via le www.wiseatangana.bandcamp.com. Wiseatangana, c'est tout simplement wiseatangana.bandcamp.com ou encore www.apcm.ca. On va y aller avec une dernière pièce qui s'appelle tout simplement Liberté économique de Wiseatangana. Un autre beau message universel sur une belle trame afrobeat captivante. La liberté économique et financière, mon point de vue, c'est la clé de la souveraineté. Yeah, check ça. La liberté économique et financière, de mon point de vue, se résume à la capacité de s'auto-financer, à la capacité de se libérer, ne plus être la marionnette du système établi depuis l'Antiquité. Créer, développer un modèle économique, Wiseatangana, je suis un digne fils de l'Afrique, pourquoi mendier les fonds à la FMI, pourtant au fond ce ne sont pas des amis. Pourtant, pourquoi d'où je viens les gens souffrent mon ami. Le voile de l'ignorance couvre la face de la société. La corruption a aveuglé les leaders, d'où l'incapacité de gérer le peuple avec amour et efficacité. Yeah, check ça. La liberté économique c'est la clé. La liberté économique c'est la clé. La souveraineté, oh oui, liberté économique. Apprendre de la valeur, c'est apprendre chaque jour. Dans mon expérience, j'ai compris que si ça ne va pas, demande du secours. Développer ses compétences te donne de l'avance, te donne la force qui domine sur la souffrance. Tout se joue dans la tête, la victoire, l'échec, toute forme de conquête. L'argent, le meilleur des serviteurs, s'il devient ton maître, il te fout dans plein d'erreurs. Mais n'oublie pas, il t'honore encore et encore. Si tu as l'art de gérer sagement ton coffre fort, il échappe facilement à la main de celui qui ne comprend pas la science et la fructification. Éloigne-toi des mythes et des suppositions. Wiseatangana, check ça. La liberté économique c'est la clé. La liberté économique c'est la clé. Oh ouais, de la souveraineté. Oh ouais, liberté économique. La richesse toujours préférable à la pauvreté. Ceux qui n'ont pas eu la capacité de l'amasser ne peuvent que la diaboliser. Tout commence par une idée, tout se résume à comment dévancer ces réalités compliquées, décourageant la majorité. Le plus important, c'est ce qui est au fond de soi, au fond de toi, au fond de moi. La force du bon passe dans ses racines, que tu le crois ou pas. Être libre, fort et intelligent, c'est être sage, fort et intelligent. Le prix, je le paye, la valeur, je la gagne. L'union, la force de la paix, la liberté économique, il faut que tu la gagnes. Check ça. La liberté économique c'est la clé. La liberté économique c'est la clé. Oh oui, de la souveraineté. Oh oui, liberté économique. On compte les heures à tous les jours. On tape du pied, oh, comme un tambour. Plus on attend, plus on devient fou. Dans quelques heures, ça se passera chez nous. So pogne un Uber et come on over. Oh, tape des mains et flip tes cheveux. Un vodka soda, un sac qui bombe. La fête commence. Sois beau. Oh, you're the girl. que tu sois beau ou laid. Partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous arrête, oh on va faire la fête. Ce soir on perd la tête. Qu'est-ce qui se passe, Jacobus avec un boy band? LGS quand ça swing, c'est amazing. All night, faudra pas baisser les lights trop. Simple, faut que tu parles aux people. Vodka Red Bull, pas de la 4 mental. Calm, chill, je bride pas ma pile. Pas d'ailleurs moi-même, tu peux dire god damn. LGS c'est dans ta ville. Jacobus party, still high class. VIP, MMT. Que tu sois beau ou laid, partout sur la planète. Ce soir on perd la tête. Y'a rien qui Et voilà, le groupe Swing et Jacobus, c'est eux qui ont débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario. Je vous invite à le faire un tour sur ma page Facebook de Canrock. Vous avez de l'information sur la tournée Swing, la tournée du groupe Swing, la dernière tournée du groupe Swing en passant. C'est bon, le 30 novembre, ils sont à Montmagny, à Kingston le 6 décembre, 7 décembre à Val-Morin et à Ottawa le 8 décembre. Donc, voilà pour ce qui est du groupe Swing. On va poursuivre avec un petit vidéoclip que j'ai sur ma page Facebook de Canrock. C'est le paysagiste qui nous offre le clip de la pièce « Tiens à moi » tiré de l'album « Alchimie accidentelle ». Très beau clip, allez voir ça. On va l'entendre justement dans quelques instants. Par la suite, on va entendre deux chansons de la formation Georgian Bee. Ils vont sortir ces jours-ci là, le deuxième album, c'est-à-dire Courage volume 2, Moon, un album plus planant, plus peut-être un peu plus expérimental peut-être que le premier, Courage volume 1, Soleil. Et pour vous montrer la différence, on va entendre Courageux de l'album Soleil. Et de l'album Moon, on va entendre tout simplement la pièce Tout ce que j'ai. Et vous allez voir un peu la différence là, des deux pièces. Mais c'est quand même de l'excellente musique, très bien fait. Donc voilà, Georgian Bee qui lance le deuxième album, Courage volume 2, Moon, ces jours-ci. A raison ou tort, c'est la loi du plus fort. Garde l'éclair, le flambeau. Je partage le fardeau. Tiens mon bras. Tiens mon bras. beauté du monde en tout bon, la beauté du monde. Tout bon, la beauté du monde en tout bon, la beauté du monde en tout bon, la beauté du monde. Tout mon bras. Tiens ta main, surtout tiens à moi. Tiens à moi, oh oui, tiens mon bras. Tiens ta voix, surtout tiens à moi. Tiens. Je réalise que que ça nous ressent. Je me livre à toi. Tu ne bouges pas. Mon cœur en bateau, égaré, sans amarre, sans visée, en espérant nous retrouver. Je te donne tout ce que j'ai. Je pousse et je tire mon corps une marée, haute, pleine d'espoir, passe désespéré. Ton silence granite me laisse deviner, ouvre tes vannes vers moi. Sans viser, en espérant nous retrouver, je te donne tout ce que j'ai. Mon cœur un bateau, égaré, sans amarre, sans viser, en espérant nous retrouver, je te donne tout ce que j'ai. Je te donne tout ce que j'ai.